Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Comment reconstruire, inventer, imaginer le monde d'après ? Nos ancêtres, eux aussi, ont un jour imaginé leur avenir, qui est notre présent. Certains ont vu juste, d'autres se sont trompés, mais toutes les pistes envisagées font sens. C'est le perpétuel questionnement de la nature humaine. Quel sera l'avenir ? Mare de café, tarot, boule de cristal, tout a été mobilisé avec des résultats peu probants. Il y a du ludique aussi dans la réflexion qui nous conduit à penser les temps futurs, la littérature d'anticipation et la science-fiction sont un régal. Les historiens et les historiennes ne prédisent pas l'avenir. Regarder le passé pour comprendre le présent est déjà une lourde tâche. En somme, ce regard en arrière, ce recul dans le temps permet de savoir où nous en sommes. Il est nécessaire de réfléchir aux expériences du passé pour comprendre la crise que nous traversons et ce qu'il adviendra quand nous l'aurons traversée. Oui, le monde d'après sera-t-il le monde d'avant ou sera-t-il très différent ? Dans le cours de l'histoire sur France Culture, l'histoire pour penser l'avenir, pour reconstruire et réinventer comment les crises ont-elles fait naître des mondes nouveaux, tangibles ou fantasmés ? Le monde d'après est-il un monde nouveau ? Des émissions à réécouter sur le site internet franceculture.fr et puis des entretiens entièrement inédits en podcast où historiens, historiennes, confinés mais mobilisés, nous aident à comprendre le moment étrange que nous vivons. Mais aujourd'hui, pour essayer de comprendre le monde d'après, nous allons demander son avis à Pascal Horry. Pascal Horry, bonjour. Bonjour Xavier Mauduit. Vous êtes professeur émérite d'histoire à la Sorbonne. Dites-nous, Pascal Horry, avant tout, le moment que nous vivons avec votre regard d'historien est très particulier au sens où nous voyons un bouleversement soudain de l'état des choses, de l'ordre du temps. C'est ce qu'on appelle un événement. Tout à fait. Et du coup, je me suis penché sur l'étymologie du mot en langue française, mais ça concerne aussi d'autres langues, parce que l'étymologie qui pour les Grecs de l'Antiquité signifiait la science de la vérité, peut nous éclairer. Il ne faut pas lui accorder une trop grande importance, mais quand même. Et j'ai découvert que « événement » se construisait en langue française à la fin du Moyen-Âge, au XVe siècle pour être exact, par rapport à un autre terme, moins utilisé aujourd'hui, mais qui était prédominant jusque-là dans la culture chrétienne, qui est le mot « avènement ». Et l'avènement, c'était l'avènement du Christ, le retour du Christ, la parousie, à la fin du monde, à l'occasion d'une révélation, c'est-à-dire en grec, d'une apocalypse. Et face à avènement, et on peut penser que c'était essentiel pour nos contemporains à ce moment-là, que cet avènement, en tous les cas dans le monde chrétien, ou l'équivalent dans d'autres mondes, vous avez l'émergence de l'événement, qui du coup, je surinterprète peut-être un peu, mais je ne crois pas, est quelque chose de plus humain, de plus séculier, parce que effectivement, il reste quelque chose d'essentiel, qui est que c'est l'advenir, c'est ce qui arrive, oui, mais avec une dose, je voudrais dire une dose variable d'imprévisibilité. L'imprévisibilité en amont, vous savez, il y a ce mot qu'on a prononcé depuis quelques mois, qu'on avait prononcé il y a déjà quelques années, sidération, vous vous rappelez, hein, sidération. Oui, sidération. L'idée qu'il y a une imprévisibilité, en tous les cas, quand on a affaire à l'événement suprême, à l'événement historique, je crois qu'on peut déjà dire que cette pandémie est un événement historique. Pas simplement parce qu'elle est mondiale, hein, mais c'est vraiment quelque chose qui a un degré d'imprévisibilité très élevé. Et puis, il y a l'imprévisibilité en aval, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais les conséquences, je dirais même pas ultimes, mais les conséquences dans quelques mois, dans quelques années, dans quelques décennies de la pandémie de 2020. Hein. En revanche, vous avez des événements, évidemment, qui ont une charge d'imprévisibilité plus faible. Mais je vous donne un exemple. En 2020 encore, vous avez au moins un événement qui est programmé. Donc ça va contre l'imprévisibilité, sauf qu'on n'en connaît pas le contenu. Donc il est moins important que la pandémie. C'est le 3 novembre prochain. Parce que le 3 novembre, ce sont les élections présidentielles américaines. C'est à peu près le seul événement politique programmable au moment où nous parlons ensemble, Xavier. Et évidemment, l'imprévisibilité, c'est le résultat de ces élections. Pascal Aury, j'apprécie beaucoup votre analyse parce que il y a cette notion de surprise, de sidération. Et c'est vrai que dans l'ordre des choses, dans l'analyse, ce que nous avons appris à l'école, les origines, l'événement, les conséquences, ici, avec cette crise sanitaire, c'est quelque chose qui nous échappe complètement. Il y a ça aussi qui donne une dimension très particulière à la crise que nous vivons. Il n'y a pas de cause. Ça apparaît soudainement. Alors, c'est le travail des sciences sociales, des historiens en particulier, a posteriori, et c'est une forme de bataille, bien sûr, historiographique, hein, que l'analyse a posteriori d'un événement, bon, c'est facile de reconstituer des causes. Mais je me suis permis d'écrire un petit texte il y a quelques jours dans le cadre de la pandémie, où je me permettais d'aller assez loin dans la provocation, mais pour me faire comprendre, évidemment, il faut pas mal me comprendre, c'est qu'en histoire, à la limite, il n'y a pas de cause, il y a que des effets. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est la manière dont les sociétés vont métamorphoser, traduire ce qui leur arrive. Une crise économique comme en 1929, une guerre comme en 1914, une pandémie comme en 2020. Ce qui est lourd, ce sont les conséquences. Et ces conséquences, évidemment, aucun historien, d'ailleurs aucun prophète, à mon avis, ne peut les annoncer sur le coup de l'événement. Donc il y a une sorte de deuxième événement qui est cette imprévisibilité des conséquences. Pascal Aury, ce texte que vous évoquez, c'est un tract publié par Gallimard. C'est intéressant parce que c'est un tract tels qu'ils ont été demandés dans les années 1930, donc après la crise économique de 1929, à des gens qui pensent le monde. C'est intéressant, hein, cet écho, de se dire qu'aujourd'hui, Gallimard reprend ce procédé, ce besoin de penser le moment de crise. Mais avec cette question, qu'est-ce qu'une crise aussi? Est-ce que la crise entre dans ce qu'on pourrait appeler le sens de l'histoire? J'utilise des mots de façon à ce que vous les nuanciez, Pascal Aury. Qu'est-ce qu'une crise, en fait? Bon, il est clair que c'est une notion intéressante, là aussi, par son étymologie. Crisis, dans la médecine grecque, c'est-à-dire la base de toute la médecine occidentale, j'ai cru comprendre qu'en ce moment, les médecins tenaient le haut du pavé. Hein. Bon, mais tout ça part d'une forme médicale qui n'est pas la médecine chinoise, si je peux me permettre, qui est la médecine grecque. Et c'est dans la médecine grecque qu'il y a crisis. Et crisis, qu'est-ce que c'est? C'est la phase la plus grave d'une maladie. Et ce qui est très intéressant, c'est que le moment où on cesse de limiter la notion de crise à la médecine, bah, c'est à peu près le XVIIIe siècle. Et il y a un texte assez extraordinaire de Jean-Jacques Rousseau, qui n'est pas d'ailleurs dans le Contrat social, mais dans l'Émile, c'est-à-dire le texte de Rousseau qui fonde d'une certaine façon la réflexion pédagogique moderne. D'ailleurs, on peut ne pas partager toutes les conclusions pédagogiques du Rousseau de l'époque. On est un quart de siècle avant 1789, on est dans les années 1760, 62 exactement, et qu'est-ce qu'il écrit? Au passage, comme ça, « Nous approchons de l'état de crise et du siècle des révolutions ». Mais à l'époque, ça se disait pas. D'abord, siècle des révolutions, c'est assez prophétique. Et état de crise, jusque-là, c'était un vocabulaire de médecin. Donc c'est quand même très intéressant de voir que, comme par hasard, c'est le XVIIIe siècle, c'est le siècle des Lumières, c'est le siècle des révolutions, en effet, qui a besoin d'un mot nouveau, qui est le mot crise. Et d'ailleurs, il y a un historien assez atypique, que j'aime bien parce qu'il est atypique et bon, passons, qui s'appelle Daniel Millot, qui avait, il y a quelques années, il y a déjà pas mal d'années, révélé aux historiens, qui n'y avaient jamais pensé, que la notion de siècle, qui paraît avoir toujours existé à partir du moment où on a le calendrier, par exemple, le calendrier chrétien, en fait, elle n'a vraiment été cristallisée qu'au XVIIIe siècle. C'est-à-dire l'idée que, par exemple, aujourd'hui, on n'arrête pas de dire, bah nous, enfin, franchement, au XXIe siècle, c'est pas la même chose qu'au XXe, et puis regardez les gens du XVIIIe. C'était pas du tout un raisonnement. Avant quand? Ben, avant, justement, le siècle des révolutions. Personne ne raisonnait comme ça. Il a fallu le traumatisme des révolutions, aussi bien d'ailleurs pour les partisans que pour les adversaires des révolutions américaines, françaises, etc., de la fin du XVIIIe, pour qu'on commence à dire « Ah oui, il y avait le XVIIIe siècle, et maintenant nous sommes au XIXe ». Pascal Aury, puisque vous évoquez le XVIIIe siècle, puisque vous évoquez les révolutions, il y a l'étymologie aussi de ce monde révolution. Dans le cours de l'histoire sur France Culture, aujourd'hui, nous réfléchissons au monde d'après, après la crise. Et quand Rousseau annonce le siècle des révolutions, la révolution, malgré tout, c'est un tournant qui nous ramène au point de départ. Le mot a changé de sens. Il est intéressant ce mot de révolution parce qu'il signifie malgré tout qu'après un changement, il y a un retour à l'ordre des choses. Oui, c'est un terme qui, lui, pour le coup, ne vient pas de la médecine, de la cosmologie, et qui a commencé à être utilisé à la fin du XVIIe siècle, on remonte un petit peu, à l'occasion de cet autre grand moment révolutionnaire, mais moins radical que le moment américain ou que le moment français, c'est-à-dire la révolution anglaise, celle de 1688. Vous savez, quand François Mitterrand a célébré en France et sous les yeux du monde le bicentenaire de la révolution française, Madame Thatcher, qui ne pouvait pas manquer l'occasion, a fait remarquer que eux, les Anglais, avaient fait leur révolution un siècle et un an avant nous, 1688. Ce qu'on a appelé justement à ce moment-là, c'est là que le terme est gravé, la glorieuse révolution. Glorious Revolution. Et évidemment, c'est ambigu au départ, puisqu'on a l'impression qu'on retourne à... Mais il faut bien penser que les révolutionnaires façon anglaise, qui sont des révolutionnaires protestants, qui ne s'opposent pas au système religieux, qui veulent au contraire le préserver, eh bien, ça consiste à dire pour les protestants, mais nous revenons à la vraie religion. Donc la révolution, c'est de retourner aux racines. Ça, c'est tout à fait clair. Mais pour le reste, la crise, vous savez, Xavier, c'est un moment de rupture. Mais c'est souvent un moment de rupture un peu fantasmé, c'est-à-dire qu'on exagère la rupture et on ne voit pas, et ça c'est un peu le travail des historiens, mais pas seulement, hein, je ne prétends pas que nous soyons des aristocrates de la pensée, mais c'est le travail des historiens de dire, attendez, il y a rupture, c'est incontestable, il y a surtout rupture dans les mentalités, c'est-à-dire que tout le monde est convaincu que ça ne sera plus comme avant. C'est ce qu'on entend beaucoup ces jours-ci. Mais il y a aussi refondation. Par exemple, d'un point de vue chrétien, la fameuse chute de l'Empire romain, c'est une nouvelle excellente, parce que c'est le triomphe du christianisme aussi. Bon, donc il peut y avoir refondation, et puis surtout, moi ce qui me frappe, c'est qu'il y a accélération. Je suis absolument convaincu que la plupart des événements sont d'abord des accélérateurs de tendances qui existaient déjà. En 2020, c'est clair, la crise de 29, c'est clair, 14-18, alors 14-18, c'est évidemment un événement accélérateur. L'accélération de l'histoire par l'événement, c'est quelque chose qui nous marque aujourd'hui, Pascal Horry, parce que nous le vivons avec toute une réflexion sur les réactions de la société, sur ce groupe humain que nous formons face à, en plus, à une épidémie qui touche l'ensemble de la planète. Je vous propose d'écouter un extrait de La Règle du Jeu, le film de 1939 de Jean Renoir, où Octave, c'est-à-dire Jean Renoir, explique les règles du jeu social à Jurieux, joué par Roland Toutain. Dis donc, vieux, j'ai envie de foutre le camp. J'ai envie de disparaître dans un trou. Ça t'avancerait à quoi? Bah, ça m'avancerait à plus rien voir, à plus chercher, à savoir ce qui est bien, ce qui est mal. Parce que, tu comprends, sur cette terre, il y a une chose effroyable, c'est que tout le monde a ses raisons. Mais bien sûr que tout le monde a ses raisons. Et moi, je suis pour que chacun les expose librement. Je suis contre les barrières, contre les murs. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais inviter André. Tu crois que c'est bien? J'ai confiance en Christine. Si elle doit aimer Jurieux, ce n'est pas en les séparant que je n'en empêcherai. Alors autant qu'il se voit, qu'il s'explique. Pascal Horry, La Règle du Jeu de Jean Renoir, vous le citez hein, dans le petit texte que vous venez de donner à Gallimard dans la série Tract pour essayer de comprendre le moment que nous vivons. Pourquoi ce choix de La Règle du Jeu de Renoir? Bon, je pourrais dire que c'est un film que j'ai mis dans mon Panthéon, mon Parnasse, et je suis pas le seul. C'est aussi un film presque ambigu, parce que Renoir est intéressant dans la mesure où, par exemple, sur le plan de l'idéologie politique, c'est quelqu'un qui a sans arrêt évolué, c'est le moins qu'on puisse dire. Et à ce moment-là, il est dans une période de trouble. On est à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Le film est tourné à la fin de l'hiver et au début du printemps 1939. On ne peut pas imaginer un moment plus tendu pour l'ensemble des Français. Il faut quand même imaginer qu'au moment où ce film est tourné, il y a déjà des sondages d'opinion, ce qu'on ne sait pas. Il y a déjà l'IFOP. Et il y a un sondage d'opinion qui, à partir du mois de mars, dans les souvenirs, dit clairement à la question « Y aura-t-il une guerre avant la fin de l'année ?» Une majorité de réponses des Français qui disent « Oui, il y aura une guerre avant la fin de l'année. » Vous imaginez une société qui vit dans cet état-là. En tous les cas, dans La Règle du Jeu, la phrase « Il y a quelque chose d'effroyable sur cette terre, c'est que tout le monde a ses raisons », c'est une phrase que je fais mienne, et j'espère que d'ailleurs mes collègues historiens la font leur, ce qui oblige à un minimum d'empathie d'ailleurs à l'égard des différents acteurs historiques. L'importance de cette réflexion sur ces raisons, sur les causes, sur la volonté de comprendre, nous conduit à mettre en avant cette expression qui est un peu tiroir, mais qui a un sens, celui de l'histoire, le sens de l'histoire. Pascal Horry, quelle réflexion tirez-vous sur cette notion de sens de l'histoire avec ce que nous vivons aujourd'hui avec une crise sanitaire? Je ne pense pas être très original, mais effectivement, c'est une thèse un peu lourde que je vais avancer là, en disant que l'idée que l'histoire est orientée, qu'elle a un sens, non pas cyclique ou même à la limite absurde, mais que ce sens a du sens. C'est évidemment une idée qui est entièrement liée à ce que j'appellerais du coup la révolution, oui, la révolution chrétienne. Les différentes cultures pré-chrétiennes, les différentes cultures aussi achrétiennes, la culture chinoise dont on parle beaucoup en ce moment, etc., et on a raison d'en parler beaucoup, ne sont pas dans cette perspective orientée. Mais moi, ça ne me gêne pas de dire que jusqu'à la chute du mur de Berlin, l'Occident a fonctionné, d'ailleurs le monde musulman aussi, a fonctionné sur cette orientation. Pourquoi est-ce que je dis la chute du mur de Berlin? C'est que pour moi, via d'ailleurs le siècle des Lumières, qui est une étape, on évoquait tout à l'heure Rousseau, le marxisme a prolongé cette idée que l'histoire avait un sens, et là, ce sens, c'était pas le retour, la parousie du sauveur, etc., à la fin des temps, c'était le triomphe, en l'espèce, nous le disaient Marx et Engels, du prolétariat. Alors, je schématise sans doute, mais quand même, fondamentalement, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la chute du mur de Berlin? C'est que la grande expérience léniniste, et qui est donc sa base marxiste, rencontre ses limites. Voilà. C'est pas du tout un jugement de valeur, c'est un constat. Donc, la chute du mur de Berlin, c'est vraiment, pour moi, une date importante dans le trouble, peut-être un effondrement du sens de l'histoire, qui avait été sécularisé par le siècle des Lumières, qui avait été sécularisé par le marxisme-léninisme. Et on se retrouve, par exemple, devant une pandémie. C'est le type même d'événement, j'allais dire, des sociétés d'avant, des sociétés qui ne sont plus essentiellement animées par l'orientation. Jusque, grosso modo, jusqu'à la chute de Saïgon, en 1975, on voit très bien quel peut être le sens de l'histoire depuis la révolution d'octobre. Hein. C'est, tout est raccord. Et puis non. La chute de Saïgon et de Phnom Penh, à quelques jours d'intervalle, c'était pas la poursuite de l'orientation, c'était le commencement de la fin. Écoutez, Pascal Horry, moi, je me rends compte, en regardant un petit peu les commentaires faits autour de cette épidémie, qu'il y a sans cesse un retour des peurs anciennes, des peurs ancestrales. Je vous propose d'écouter Jean Delumeau, qui nous a quittés en début d'année, hein, au début de l'année 2020, et qui est le grand historien des peurs. Juste Pascal Horry, vous le connaissez bien, Jean Delumeau, vous avez travaillé sous sa direction. Exactement, ça a été l'un de mes deux grands maîtres avec René Raymond. J'allais dire René Raymond du côté d'un renouvellement de l'histoire politique et Jean Delumeau comme héritier justement de l'école des annales et posant quelque chose d'essentiel, à savoir qu'on peut faire l'histoire des émotions. Ce qui maintenant est à la mode, mais qui n'était pas du tout à la mode. Moi, j'avoue que j'ai eu un choc le jour où Jean nous a réunis quelques petits disciples autour de lui et nous a dit « Je commence un travail sur l'histoire de la peur ». Mais ça a été une extraordinaire révélation, pour le coup, l'apocalypse, révélation pour moi. On pouvait faire une histoire de la peur, c'était d'ailleurs dans l'héritage de Lucien Febvre, etc. Et je suis resté, jusqu'à cet instant où je vous parle, dans le choc de cette révélation. Eh bien justement, écoutons Jean Delumeau qui évoquait la peur, c'était en 2009, dans Concordance des temps. La littérature n'a intégré que très tard la dimension peur dans l'étude, si vous voulez, de la vie quotidienne. Et c'est simplement de nos jours, avec les progrès de la psychanalyse, de la psychologie collective, qu'on a redonné enfin à la peur toute sa place. Or, je reprendrai ici une formule de Jean-Paul Sartre que je crois très juste, quand il dit « la peur est normale ». Celui qui n'a pas peur n'est pas normal. Et effectivement, la peur est une réaction normale, une réaction défensive, une réaction d'équipement, si vous voulez, pour faire face à un péril. Maintenant, il peut se faire que ce péril soit illusoire. Mais on a eu cette affirmation que je fais mienne, sans doute qu'aucune espèce animale n'aurait survécu sans la peur. La peur est une réaction légitime de défense, et alors j'ajoute que la peur ne disparaîtra pas de la condition humaine, parce que la peur, fondamentalement, c'est la peur de la mort. Et la mort ne disparaîtra pas de notre condition humaine. Jean Delumeau qui évoque la peur en 2009 dans Concordance des temps. Pascal Horry, la peur que nous vivons actuellement, ou en tout cas l'angoisse, l'incertitude, les questionnements face à une épidémie, nous rappellent des peurs ancestrales qui nous conduisent évidemment à la grande peste au XIVe siècle, qui nous conduisent à la résurgence de la peste en 1720 à Marseille, ou alors aux épidémies de choléra. Il y a là quelque chose d'intéressant pour l'historien du culturel de voir les réactions contemporaines qui nous poussent à regarder des peurs que l'on pensait oublier. Oui, d'une certaine façon, ce qu'on a appelé après Jean Fourastier pour la France, mais c'était extrapolable à tout l'Occident, au moins les Trente Glorieuses, avait contribué, entre autres effets, à périphériser ces formes de peur. Par exemple, on découvre en ce moment, un peu, j'allais dire, dans le désordre, qu'il y a eu d'autres épidémies de grippe violentes dans les années 50-60, oui, mais leur violence était essentiellement là-bas, donc loin de l'Occident, dans un monde qui était déjà mondialisé, mais qui l'était moins qu'aujourd'hui, et d'autre part, dans une perspective générale de croissance qui faisait que, moi j'ai regardé par exemple d'assez près depuis quelques jours les chiffres de la démographie française dans les années 50, au moment de la première fameuse grippe là de 56+, etc., on se rend compte que ça fait à peu près 10 000 morts en plus, ça passe complètement inaperçu, et pourtant là, ce sont 10 000 morts en France. Au moment où nous parlons, on a dépassé 20 000, etc. Parce que, par ailleurs, vous avez un essor démographique stupéfiant. Donc, d'une certaine façon, tout ça, c'est relatif. Mais la peur, elle est tout le temps là. Par exemple, quand j'évoque avec mes enfants le fait que ma génération, qui était donc la génération de la croissance, des Trente Glorieuses, mais donc de la guerre froide aussi, était hantée par la bombe, ça les surprend beaucoup. Hein. Mais la bombe, c'était l'annonce de la fin du monde. Vous savez, les gens qui annoncent la fin du monde, les collapsologues d'aujourd'hui, ils ont toujours existé. Mais avec, à chaque fois, une fin du monde un peu différente et une culture, parce qu'il y a une culture religieuse, disons une culture en général, différente. Donc, à chaque époque, ça hantise. Hein. Et aujourd'hui, vous avez un certain nombre de penseurs. Jared Diamond, c'est un peu un historien, un peu un géographe, un peu un physiologue, un peu un anthropologue, un peu tout, a eu un grand succès en 2005 avec un ouvrage qui s'appelait quand même « Collapse, effondrement ». Et Jean Delumeau est le premier à avoir exhumé des textes extraordinaires sur la hantise de la fin du monde, le retour de l'antéchrist, y compris d'ailleurs, mais on y reviendra sans doute dans un instant, par les conséquences positives que ces peurs peuvent déclencher. Ben justement, en écho aux peurs du passé, des peurs qu'on a oubliées, et c'est vrai que en survolant la presse du passé, on retrouve le trou dans la couche d'ozone, on retrouve des peurs qu'on oublie complètement, qui n'apparaissent plus du tout dans les actualités. Eh bien moi, je vous conduis en 1977, en janvier 1977, dans l'émission Au cœur des choses, quand des enfants évoquaient la peur de l'avenir. Est-ce que vous avez peur de l'avenir ? J'ai un peu peur de l'avenir parce que tout le monde dit que c'est vrai que la pollution, après, ça va devenir épouvantable. Et que Paris, tout le monde dit aussi que dans 10 ans, 15 ans, ça va devenir comme New York, comme les grandes villes d'Amérique. Il faudra s'enfermer chez soi, il faudra pas sortir le soir après 8 heures parce qu'il y aura des cambrioleurs. Mais j'ai peur que Paris devienne une ville très polluée, que vraiment, à la fin, on portera des masques à gaz. Ce serait horrible. Et puis il y a la pollution aussi. Et ça, c'est un problème très sérieux. Il faut s'en occuper immédiatement parce que si jamais on ne trouve pas une solution dans les... Je vais être optimiste, dans les 150 ans qui viennent, ça va être peut-être beaucoup plus grave que ça n'est maintenant parce que ça va être vraiment inquiétant. En 1977, Pascal Horry, les enfants évoquaient la peur de l'avenir, une peur liée à la pollution. La peur que nous vivons actuellement nous rappelle des épidémies du passé, sans doute. Elle nous évoque surtout la peur du monde d'après. Pour l'instant, nous ne sommes pas dans la construction de l'espoir du monde d'après. Nous sentons qu'il y a facilement, face à l'avenir, une peur, tout simplement, qui est une peur liée à l'incertitude et qui est presque inhérente en fait à la réflexion quand on essaye d'étudier l'évolution des choses. Mais comme d'habitude, c'est un petit peu le fameux motto là que j'ai lancé tout à l'heure, il n'y a pas de cause, il n'y a que des effets. Tout dépend de la traduction culturelle et par exemple politique qu'on va faire de ça. Et effectivement, pour un croyant du XIVe siècle, le monde qui s'effondre autour de lui beaucoup plus violemment qu'aujourd'hui avec une pandémie beaucoup plus violente, la peste noire, etc., si ça annonce la fin du monde, si lui il a l'impression d'avoir été un bon chrétien, où est le problème ? Ce qui est nouveau, une fois de plus, et j'allais dire, allez, je simplifie, depuis la chute du mur de Berlin, c'est que à quoi est-ce qu'on peut se raccrocher ? Ça devient beaucoup plus fragile. Quelle va être l'orientation qui apportera des solutions ? Par exemple, je suis persuadé, les dates correspondent, fin des années 70, début des années 80, que l'écologie politique est liée aussi à cet effritement du marxisme-léninisme, et donc la nécessité de trouver d'autres réponses politiques, mais au sens le plus large possible. Et Diamond, par exemple, est le premier à dire que, pour lui, ça a été discuté, hein, pour lui, le fameux effondrement, collapse, c'est essentiellement environnemental. Et on comprend bien que, quand la pandémie va s'éloigner, puisque d'après les médecins, elle finirait par s'éloigner, ou on finirait par trouver le vaccin, peu importe à la limite, l'obsession écologique va reprendre le dessus, c'est à savoir global warming, le réchauffement climatique. Et c'est évident, on peut annoncer qu'en 2021-22, on va beaucoup parler du réchauffement climatique. Le côté global de l'analyse est absolument impératif, notamment aujourd'hui avec une épidémie qui se lie à l'échelle de la planète. Et alors cette réflexion est très intéressante, hein, de la voir en plein questionnement sur la mondialisation. Alors là, nous sommes vraiment dans la mondialisation, parce qu'à l'origine, il y a tout un jeu d'échelle à faire dans l'analyse de la crise que nous vivons actuellement. Oui, c'était le contenu de ce petit tract de crise auquel vous faisiez tout à l'heure allusion, mais plus généralement, c'est une réflexion déjà ancienne. Je pense qu'un livre que je viens de terminer finira par voir le jour. Là aussi, chez l'éditeur dont on parlait tout à l'heure, il est consacré à la nation. Gallimard. Oui, voilà. Qu'est-ce qu'une nation ? Donc, j'en prends la formule de Renan, mais dans une perspective justement globale, je dirais mondiale, mais pour dire justement que contrairement à ce que certains pourraient penser, mais le penser parce que c'est du wishful thinking, on prend ses désirs pour des réalités en français, la mondialisation est incontestable. Plus les historiens confirment qu'il y a une mise en branle progressive, après peut-être l'échec d'autres mondialisations comme celle de l'Empire romain, peu importe, mais ça va dans le sens de la mondialisation, je dirais, technologique, économique, on le voit bien en ce moment par les conséquences d'ailleurs variées de cette répartition mondiale dans la fabrication pas simplement des masques. Bon, oui, mais, une fois de plus, c'est pas ça qui est important. Ce sont les conséquences. Or, moi, ce que je vois pour l'instant, à travers la pandémie, mais que j'ai vu en travaillant pour ce livre, Qu'est-ce qu'une nation, sur l'histoire du sentiment national depuis, disons, le XVIIIe siècle, c'est que je vois tout le contraire, c'est-à-dire pas du tout de progression claire du mondialisme. La mondialisation ne produit pas forcément le mondialisme. Je me rappelle que je troublais beaucoup mes étudiants en leur faisant déjà travailler sur la nation au moment qui a précédé la chute du mur et surtout après. Par exemple, la Yougoslavie éclatait sous nos yeux, sous leurs yeux. Et je leur disais, mais écoutez, ces jeunes Serbes, ces jeunes Croates qui s'entretuent, clairement. Est-ce que vous ne pensez pas que par ailleurs, ils ne sont pas des admirateurs de Michael Jackson ? Ça ne les empêche pas de s'entretuer. Donc où est-ce qu'on a vu que la mondialisation produisait du mondialisme ? À l'heure actuelle, la pandémie renforce le nationalisme. Donc c'est ça qui me paraît important, parce que le national répond à un certain nombre de questions concernant la sécurité, la distinction par rapport à l'étranger, etc. Et le national, je rappelle, est fondé sur une grande révolution démocratique qui s'appelle la souveraineté populaire. Bon, je ne vais pas développer plus que ça, mais je voudrais bien qu'on me dise pourquoi la mondialisation produirait du mondialisme. C'est une pensée paresseuse qui pense ça. Justement, Pascal Horry, dans cette notion de nation, il y a le discours du politique. Dans le discours du moment, nous avons été marqués par son caractère guerrier. Nous sommes en guerre, c'est ce qu'a dit le président Macron dans son allocution télévisée du 16 mars 2020. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là. Invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. De jour comme de nuit, rien ne doit nous en divertir. Pascal Horry, nous l'entendons, le président Macron utilise un vocabulaire guerrier. Est-ce que ce vocabulaire guerrier correspond au temps de crise? Est-ce qu'il y a ici, quand vous entendez cela, en plus avec énormément d'écho historique, parce que nous nous plongeons tout de suite vers la Première Guerre mondiale dans ce discours guerrier, nous le sentons bien, l'unité nationale, est-ce que la lecture que vous faites de ce discours-là, c'est de dire, oui, il était attendu que l'on parle dans un monde qui n'est pas si mondialisé que ça, où la nation est une vraie préoccupation, qu'on parle de guerre? Pour moi, c'est un jeu de rôle. Les responsables politiques, c'est déjà différent si vous n'êtes pas au pouvoir, mais dans l'opposition, et a fortiori si vous n'êtes pas, ou si vous ne voyez pas comme un politique, mais comme quelqu'un de la société civile, la Ligue des droits de l'homme, etc., chacun joue son rôle. Je rappelle que en 2015, en 2016, François Hollande a dit qu'on était en guerre, que la France est en guerre contre, là, c'était le terrorisme. George W. Bush, 2001, Patriot Act, etc., mesure d'exception. Alors après, on peut discuter à perte de vue sur la métaphore de la guerre. Il est évident que une pandémie, d'ailleurs j'ai le souvenir que, effectivement, c'est déjà perceptible dans l'extrait qu'on vient d'entendre, le président Macron nuançait en disant « Mais attendez, il n'y a pas effectivement deux nations qui s'opposent. » À quoi ceux qui considèrent que c'est très dangereux d'ouvrir la boîte de Pandore objectent que prononcer le mot « guerre », c'est d'une certaine façon mettre le doigt dans un engrenage. Il est d'ailleurs significatif que le président Obama a baissé de ton par rapport au président Bush en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, en n'utilisant plus, c'était une sorte de volonté très claire de Barack Obama, le mot guerre. Mais, au fond, c'est pas le mot guerre le plus important. Je crois que ça se comprend très bien en écoutant le chef de l'État français d'aujourd'hui. C'est le mot mobilisation. Donc, comment mobiliser une société? Par exemple, comment, dans une pandémie, faire prendre conscience que, il y a un minimum d'autorégulation, voire de contraintes. Et là, je me permettrai en tant qu'historien d'avancer une grille d'analyse qu'on n'aura pas le temps de développer, mais qui m'est chère, mes élèves le savent, les cultures religieuses, en particulier la distinction, pour ne prendre que le monde chrétien, entre culture protestante et culture catholique. Il est évident que le protestantisme a implanté des formes de responsabilité collective qui sont beaucoup plus fragiles dans le monde catholique. Et on le voit très bien à la manière dont les pays scandinaves, l'Allemagne, qui est partagée entre catholiques et protestants, mais qui a une forte coloration protestante, Luther était quand même allemand, ont réagi face à la pandémie. On pourrait d'ailleurs faire intervenir aussi d'autres cultures religieuses, le confucianisme, etc. Donc il s'agit surtout de mobiliser. Et chacun est dans son rôle en disant, mais attention, la mobilisation, ça peut conduire à des contraintes. De toutes les façons, moi je ne suis pas normatif, aucun historien digne de ce nom n'est normatif. Je me contente de constater que en 2020, comme en 2015, comme à d'autres moments, évidemment en 1914, une situation de crise conduit à un renforcement de l'autorité. Et certains peuvent dire de l'autoritarisme. En tous les cas, de l'autorité, c'est absolument clair. C'est une constante, en fait, que vous évoquez, Pascal Horry. Oui, ce retour à l'autorité au moment de la crise, peut-être parce que cette autorité est nécessaire, peut-être aussi parce qu'elle rassure. En tout cas, c'est un biais que prend le pouvoir, avec, là aussi, quand on regarde sur la longue durée, la réflexion sur les précautions, sur l'anticipation de la crise. Et je vous propose de retrouver Jean Delumeau, qui parlait en 2009 dans l'émission Concordance des temps, Jean Delumeau qui évoque les précautions à prendre. Il est judicieux de prendre des mesures de précaution. C'est-à-dire, on ne peut pas, reprocher à des gouvernements d'en faire un peu trop. Parce que maintenant, il y a tendance à penser que, en France en particulier, les autorités en font un peu trop. Mais imaginez qu'il y ait cette mutation que l'on craint, alors à ce moment-là, on trouverait peut-être que le gouvernement n'en a pas fait assez. Par conséquent, il faut prendre les précautions, car on a de bons exemples historiques pour prouver que le manque de précautions avait été dramatique. Et en 1720, au moment de la peste de Marseille, amenée par des bateaux qui venaient de l'Orient, les autorités n'ont pas fait observer aux bateaux la quarantaine nécessaire, pour des raisons économiques. Mais le résultat était catastrophique. Donc, il faut prendre des précautions, mais en même temps, rester serein en quelque sorte, parce que finalement, si on prend les précautions, on diminue la réalité ou la gravité du mal. Jean Delumeau évoque les épidémies et donc il dit, oui, voilà, des précautions à prendre. Ce discours, cette prise de parole a un écho contemporain très fort, Pascal Horry. Évidemment, et en fonction, une fois de plus, des cultures nationales. On voit bien qu'au cœur de la pandémie, la manière dont le Portugal, l'Islande ou Taïwan s'en sort est spécifique. Regardez, en ce qui concerne la Chine, vous avez apparemment la même pandémie, on va dire apparemment, hein, mais vous avez déjà au moins trois Chines. Vous avez la réaction totalitaire, et là, effectivement, la contrainte s'exerce sans discussion, avec des conséquences au-delà de la période actuelle, c'est certain, et qui concerneront peut-être toute la planète par la virtualisation, la surveillance, etc. Vous avez la solution singapourienne, qui est du capitalisme libéral, mais assez fondamentalement autoritaire via le confucianisme. Je simplifie, mais c'est quand même de ça qu'il s'agit. Et puis vous avez Taïwan, hein. C'est très intéressant, et Taïwan, c'est une variante qui prouve que, à partir d'un même substrat culturel, celui du confucianisme, alors très clairement assumé par l'héritage du Kuomintang à Taipei, eh bien, Taïwan est devenu quand même une démocratie libérale. Donc c'est tout à fait intéressant de voir que chaque nation a son type de réaction, que les historiens peuvent analyser, et que par ailleurs, évidemment, vous avez ce fameux dialogue qui est sans fin, qui ne sera jamais résolu, entre ceux qui sont en responsabilité et ceux qui ont la possibilité de critiquer les responsables. C'est évidemment différent à Taïwan et en Chine populaire. Hein. Avec ce choix que l'on retrouve face aux épidémies du passé, quand on regarde ces bulletins de santé, ces papiers que l'on devait apporter pour montrer que l'on n'arrivait pas d'une ville contaminée, nous voyons au XVIIe siècle que certains voyageurs anglais critiquent ce système mis en place dans le sud de la France et en Italie en disant « cela est fort enquiquinant ». Adrien Proust, le papa de Marcel Proust, le médecin qui regarde l'hygiène internationale, critique ce qu'il appelle les peuples mercantiles, évidemment les Anglais, en disant leur but est de favoriser le commerce et ils n'ont pas la même réflexion sur la manière d'éviter la propagation d'une maladie. Nous retrouvons aujourd'hui encore ces fractures de comportement, Pascal Horry. Est-ce que vous arrivez à les identifier ? Écoutez, il faut être prudent, mais je reviens toujours sur ce que je disais des cultures religieuses. Le protestantisme conduit à une manière de considérer la responsabilité. Vous savez, Max Weber, hein, éthique de la responsabilité par rapport à l'éthique de la conviction, en surinterprétant à peine Weber, qui savait de quoi il parlait, venant d'une culture à la fois catholique et protestante, sans parler de la dimension juive allemande. Bon, ben, il est évident qu'on est plus dans la culture de la conviction quand on répond que, franchement, il faut pas être trop mercantile, il faut prendre de la hauteur, mais en même temps aussi considérer les fins dernières. Et puis, que si on est dans une perspective franchement libérale, où on dit, mais attendez, laissez aux individus le soin de répondre, méfions-nous d'un État souverain qui va nous imposer son diktat, ce qui est tout le fond de la bifurcation entre la Révolution anglaise et la Révolution française. Hein. Et puis Pascal Horry, dans notre réflexion, dans le cours de l'histoire sur France Culture, sur ce monde d'après, il y a le moment de la crise durant lequel nous imaginons le futur. Et ça, c'est un moment aussi très intéressant. Ce moment de la crise, écoutez, nous allons l'évoquer avec une chanson dont les paroles sont écrites par Paul Vaillant-Couturier. Ce sont Les Lendemains qui chantent. La musique est d'Arthur Honegger en 1937. Et là, nous l'entendons par la chorale populaire de Paris. Pascal Horry, quels sont ces lendemains qui chantent, hein, avec des paroles de Paul Vaillant-Couturier? Déjà, qui est Paul Vaillant-Couturier? Il faut peut-être le rappeler. On peut dire que c'est un intellectuel communiste qui joue un rôle important au moment du Front populaire parce qu'il dirige le journal L'Humanité. Et on sait bien, bon, j'ai passé pas mal d'années de ma vie à travailler sur le Front populaire et entre autres sur Vaillant-Couturier, que le moment Front populaire, qui se déclenche peu à peu entre 35 et 36, lui convenait parfaitement à Vaillant-Couturier parce que c'était la main tendue, c'était l'idée qu'il fallait constituer un front uni antifasciste et pas passer son temps à s'épuiser au sein de la gauche entre querelles partisanes, socialistes contre communistes, communistes contre socialistes. Il est mort juste à ce moment-là, mais d'une certaine façon, il est mort dans une culture qui était une culture communiste, ouverte, et d'ailleurs, faire appel à Arthur Honegger, comme vous venez de le rappeler, c'était bien une preuve d'ouverture, parce que, franchement, Arthur Honegger, c'était loin d'être un compositeur très marqué à gauche. Hein. Mais à cette époque-là, non, tous unis, dans l'Union française, d'ailleurs, dans le texte complet de la chanson, il est question de l'Union française. Alors effectivement, le Front populaire, ça a été le type même de la réponse qui contribue à faire une sorte de bilan après une guerre. Bon, on va reconstruire et forcément on réfléchit à ce qu'on veut reconstruire et aux moyens qu'on va utiliser. Là, le Front populaire, on est encore loin de penser qu'on va vers une guerre. On le pense beaucoup plus en 38 qu'en 36, par exemple. Et le Front populaire va faire avancer le fameux welfare, l'état de bien-être, qui va triompher après la Seconde Guerre mondiale. Donc la solution à la crise du Front populaire est anticipatrice, mais elle est très fragile. Les 40 heures vont être remises en cause très vite. D'une certaine façon, les congés payés en partie, et surtout les congés payés, vont servir à Vichy pour dire « Mais vous voyez, on a démobilisé l'économie, et on a démobilisé les Français, et c'est pour ça que nous avons perdu la guerre. » Donc, il faudra attendre 1945 pour que, d'une certaine façon, la logique du Front populaire prenne toute sa signification et soit d'ailleurs, en quelque sorte, radicalisée, amplifiée, on en parlera peut-être tout à l'heure, par le programme du CNR. Et donc, la chanson en question est assez représentative de cet espoir qui naît en pleine crise. Parce qu'évidemment, le problème de la France, c'est que le Front populaire arrive au pouvoir quand la situation économique est absolument catastrophique. Roosevelt est déjà arrivé au pouvoir aux États-Unis avec un programme pour lequel, même s'il a eu quelques difficultés au départ, il peut avoir un peu plus de main libre que le pauvre Léon Blum. Donc, d'une certaine façon, le fait que ce soit une chanson, et une chanson unanimiste, ça montre bien la signification profonde de l'utopie du Front populaire. En même temps, ça permet de comprendre pourquoi tout ça a tourné court assez vite. Pascal Horry, après la Première Guerre mondiale, qui correspond justement à une autre épidémie, celle de grippe espagnole, le monde reconstruit n'est pas un changement majeur. Il l'est, si, par le fait, mais enfin bon, il n'est pas dans l'optimisme, il conduit au fascisme. Le Front populaire que vous venez d'évoquer, lui, ne sort pas directement d'une crise. Celle de 1929 a eu lieu plusieurs années auparavant. Le monde a mis du temps peut-être à changer. Et en 1944, le monde change de nouveau. 44-45, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale, où là, il y a une volonté vraiment de changer le monde. Ce sont ces jours heureux, évoqués dans l'allocution télévisée du président Macron, c'était le 13 avril 2020. Il y a dans cette crise une chance. Nous ressouder, éprouver notre humanité, bâtir un autre projet dans la concorde. Un projet français, une raison de vivre ensemble. Profonde. Dans les prochaines semaines, avec toutes les composantes de notre nation, je tâcherai de dessiner ce chemin qui rend cela possible. Mes chers compatriotes, nous aurons des jours meilleurs et nous retrouverons les jours heureux, j'en ai la conviction. Et les vertus qui aujourd'hui nous permettent de tenir seront celles qui nous aideront à bâtir l'avenir. Notre solidarité, notre confiance, notre volonté. Alors prenez soin de vous, prenons soin les uns des autres, et nous tiendrons. Pascal Horry, quand Emmanuel Macron évoque les jours heureux, l'expression est lourde de sens, parce que là, ça nous conduit directement à 1944. Oui, je pense qu'en l'utilisant, le président de la République, qui a des lettres, était conscient de ce qu'il faisait, c'était une allusion explicite au titre que les intéressés ont donné le 15 mars 1944 au programme du Conseil national de la Résistance, le CNR. Programme qui, non seulement intéressant en tant que tel, qui est un programme, je dirais, de gauche, résolu, mais en même temps pas de gauche léniniste, mais bon, nationalisation, planification, sécurité sociale, et qui va être assez largement réalisé. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ce n'est pas un programme de plus. Ce qui va se passer en France entre 1944 et disons 46-47, c'est à peu près l'essentiel de ce programme que je viens de résumer, à une exception près que je signale, parce qu'elle est due aux contradictions de la gauche de l'époque, c'est qu'il y a tout un article dans le programme du CNR Les Jours Heureux sur les coopératives, le développement des coopératives, et ça, ça ne marche pas. Et ça ne marche pas, alors on pourrait dire pour des raisons culturelles profondes, c'est-à-dire que la France n'est pas un pays très coopérativiste. L'économie sociale, comme on l'appelle, en 1981, comme ça, ou sous François Hollande, il y a eu des tentatives, et à chaque fois, ça ne donne pas grand-chose. Donc on peut dire que ça ne fonctionne pas avec l'organisation syndicale française, avec les traditions à la fois catholiques et laïques françaises. Bon, mais à mon avis, la raison principale, elle est entièrement politique. Le Parti communiste français est tout à fait hostile, en fait, au développement des coopératives, parce que ça ne correspond pas au modèle soviétique. Donc, ça, c'est une ligne, il faut quand même le dire, du programme du CNR, qui n'a pas réellement abouti à quelque chose de durable. Mais pour le reste, effectivement, les jours heureux, ça a, en quelque sorte, donné le cadre général de la renaissance, alors, de la France, mais d'une certaine façon, d'une bonne partie de l'Europe occidentale, parce que, sans un programme du CNR, beaucoup de pays ont appliqué une partie de ces mesures, ont été tentées par la planification, par la nationalisation et surtout par la sécurité sociale. D'ailleurs, entre parenthèses, une fois de plus, ne soyons pas franco-centrés. Il y a d'autres modèles. La Suède, par exemple, qui en ce moment est assez atypique, hein, si j'ai bien compris, en matière de pandémie, la Suède avait eu son année 1936. On n'en parle jamais. Ça a été le grand compromis entre le patronat, les syndicats très puissants et très liés au parti socialiste, social-démocrate suédois. Et ce compromis de 1936 a abouti dans un pays qui a eu, on va dire, la chance, hein, c'est un jugement de valeur, mais on peut considérer que c'est une chance, de ne pas entrer en guerre en 1939, ni en 40, ni en 41, la Suède, de développer ce modèle scandinave qui a abouti au même résultat, pour simplifier, parfois plus ambitieux que la sécurité sociale française, mais dans une atmosphère plus pacifiée. Donc, une fois de plus, les modèles nationaux. Vous avez, face à la crise, face à la guerre et dans l'après-guerre, un cadre général qui inspire beaucoup de pays, même les héritiers de Roosevelt, à l'époque de Truman, plus tard Johnson, peuvent se situer encore dans cette perspective-là. Et puis pour le reste, chaque culture nationale bricole. Pascal Horry, la crise oblige justement à faire de l'histoire. Alors, elle oblige à construire ou à imaginer un avenir, mais surtout à regarder le passé. En histoire, la téléologie est notre piège, hein, c'est-à-dire expliquer les événements du passé en connaissant ce qu'il advient. Mais c'est vrai que la crise oblige à regarder ce qu'on aurait dû faire. Il y a quelque chose aussi qui explique pourquoi la parole de l'historien, de l'historienne est intéressant pour nuancer aussi, parce que c'est vrai que nous le voyons beaucoup hein, dans les discours, évoquer par exemple les jours heureux qui nous ramènent au CNR en 1944, ce n'est pas la même chose que regarder les destructions de lits, d'hôpitaux de ces dernières années, ou certaines politiques qui ont des conséquences aujourd'hui. La crise oblige à faire de l'histoire. Tout à fait, et autre exemple de l'entrée dans un nouveau monde, je ne sais pas si ce sont des jours heureux, en tous les cas à partir des années 70, les fameuses années 70, ce que j'ai appelé la révolution de 1975, avec toutes les conséquences qu'on a vues, c'est que c'est à partir des années 70, vous l'aurez remarqué Xavier, que se développe ce qu'on appelle plutôt en anglais l'histoire contrefactuelle, ou si on est plus littéraire, plus scénaristique, l'Uchronie. J'ai participé avec une demi-douzaine de mes collègues et camarades historiens l'année dernière à une aventure uchronique très instructive. Nous avons fait cet exercice à une demi-douzaine à partir d'une hypothèse qui est complètement événementielle. On retrouve le thème du début de l'émission, à savoir que la bataille de la Marne s'est terminée par une victoire allemande. Il n'y a donc pas de guerre mondiale au sens strict. Il y a une guerre franco-allemande qui se termine sur le front de l'Ouest, donc le front de l'Est s'arrête aussi. Mais que va devenir l'Angleterre dans cette perspective? C'est tout à fait passionnant. Et en ce qui me concerne, j'avais en charge le secteur culturel. Et ce que je faisais remarquer, c'est que si on a une conception moderniste de l'histoire culturelle, tout est déjà en place avant le 1er août 14. Vous avez déjà Freud, Einstein, Schoenberg, Malevitch, etc., Apollinaire. Donc si vous avez une conception entièrement moderniste, donc un peu élitiste, le XXe siècle n'a servi à rien, ce court XXe siècle, comme disait Hobsbawm, qui a duré 75 ans, hein, 14, 89. En revanche, Qu'est-ce que l'événement 14-18 a changé? C'est la guerre. En ce sens que tout a été coloré par la guerre, mais une guerre mondiale. Donc vous retirez la guerre mondiale, vous n'avez plus la révolution d'octobre, vous n'avez plus Mussolini, donc vous n'avez plus Hitler. Alors, je m'arrête là, parce que évidemment c'est si, c'est le monde avec des si. Mais c'est tout à fait excitant de voir où se passe l'essentiel. L'essentiel, ça a été que nous avons accepté globalement au niveau mondial, en effet, y compris les pays neutres comme la Suède ou l'Espagne à ce moment-là, ou les Pays-Bas, nous avons accepté une culture de guerre, pas possible de faire autrement, qui s'est traduit par exemple par le fascisme. Moi j'ai écrit il y a pas mal d'années un livre sur le fascisme où je disais, est-ce que le fascisme vient de la droite ou de la gauche? Et je répondais, d'une certaine façon, à la fois de la droite et de la gauche, ça c'est facile à démontrer, mais il vient surtout de la guerre. Et là, on voit bien que l'événement dépasse les tendances, fameuses tendances profondes. Pascal Horry, évidemment, l'historien que vous êtes ne peut pas prédire l'avenir. En histoire, il n'y a pas de cause, il y a des effets. C'est vrai que les historiens du futur sortiront tous les articles des scientifiques depuis des dizaines d'années, disent « attention, préparons les épidémies ». Nous verrons tout cela. Il n'y a pas de cause, il n'y a pas d'effet, il n'y a pas d'exemple en fait à prendre dans le passé. Là, pour l'avenir, tout est possible. En fait, c'est la vigilance du moment qui est importante de la part de la communauté nationale, de la nation. C'est ce qu'on fait actuellement qui va décider de notre avenir. Il n'y a pas de voie à envisager dès maintenant. Disons que ce qui est programmable, j'y reviens pour terminer, c'est le 3 novembre. C'est-à-dire qu'on peut dire que, suivant que Donald Trump est reconduit ou pas, le sens politique, qui pour moi est le sens ultime à l'heure actuelle, la crise de 1929, le sens ultime, c'est les effets politiques, Hitler et compagnie. 1914, le sens ultime de 14, c'est pas, j'allais dire hélas, les millions de morts, c'est les conséquences politiques qui s'appellent, entre autres, la révolution d'octobre, puis la marche sur Rome. Bon. Donc, le 3 novembre, ça c'est du programmable. Je fais, en revanche, une observation, qui n'est pas donc un pari, parce que je ne suis pas un bookmaker ou un client de bookmaker, je ne suis qu'un historien, à savoir que nous assistons à un retour de l'État, mais je signale que à partir de ce moment-là, vous pouvez avoir, attention, les historiens le rappellent à chaque fois, deux types d'États. Un État populiste autoritaire, qui s'appelle fascisme dans les années 30, et un État, je dirais, plus ou moins tempéré de social-démocratie, en tous les cas, un État progressiste. Donc, dire qu'il y aura plus d'États, ça me paraît évident. Mais quel type d'État? Ça, je n'en sais rien, nous n'en savons rien. C'est d'une certaine façon ça qui est presque excitant. Merci beaucoup Pascal Horry de nous avoir accordé cet entretien dans le cours de l'histoire sur France Culture. Nous avons besoin de l'avis des historiennes et des historiennes pour comprendre le moment que nous vivons et pour réfléchir sur ce qui va advenir le monde d'après. Merci beaucoup Pascal. Merci à vous. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Elig avec aujourd'hui à la technique Audrey Guélil. Merci beaucoup. Une émission préparée par Anne Toscan-Viudès, Camille André, Marion Dupont et clin d'œil amical à toute l'équipe, Père Legras, Anaïs Kien, Aurore Juvenel, Amélie Perrault. Des émissions à réécouter en ligne sur le site internet franceculture.fr ou bien en podcast, la balado-diffusion. Et puis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook, le cours de l'histoire où vous êtes de plus en plus nombreux. Nous nous retrouvons très vite, au moins sur le site France Culture, oui, avec des entretiens inédits en podcast. Les historiens, les historiennes confinés restent mobilisés. Prenez soin de vous.